بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله تبارك وتعالى نكونتينيون دون لو ليفر أصول الدعوة السلفية les fondements de la prédication salafique du Cheikh Abdussalam Ibn Burgis Ali Abdel Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous avons vu le quatrième fondement, c'est ça? Al-ihtimamu bi-aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'lima. Accorder de l'importance à la croyance des pieux prédécesseurs. Ilman dans la science, wa amalan pour les enfants, wa amalan et la mise en pratique, wa ta'lima ainsi que l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons voir al-aslu al-khamis, le cinquième fondement de la prédication salafie. Al-ihtimam bi sunnati an-nabawiyya wa al-hirsu 'ala al-'amal biha wa ad-da'watu ila dhalik. Accorder de l'importance à la sunna prophétique, veiller à sa mise en pratique et y appeler. Alors, ce fondement, nous allons voir ici que le salafi, où on dira au pluriel les salafis, l'une des choses qui les démarque des innovateurs, c'est l'importance qu'ils accordent à la mise en pratique de la sunna. Ils font des efforts dans cela. Et ils appellent les gens vers cela. Alors le cheikh dit, inna ahaqqa ma'atana bihi al-muslim, la chose la plus digne dont le musulman accorde plus d'importance, al-amalu ala qifai athar nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, alors faire l'effort de suivre les traces de son prophète. Wa tajsidha fi hayati, et incarner cela dans sa vie. Mastata'a ila dhalika sabila, tant qu'il a des capacités pour atteindre, il a des moyens. وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها, cela parce que l'objectif que le musulman fait l'effort d'atteindre et à cause de quoi le musulman fait les efforts, إنما هي تحصيل الهداية, c'est l'obtention de la guidance, التي توصله إلى دار السعادة, qui le mène vers la demeure du bonheur. وقد قال الله عز وجل, على الكرو il dit, وإن تطيعوه تهتدوا, si vous l'obéissez, أي محمد sallallahu alayhi wa sallam, alors vous allez être guidé. Wattabi'uhu, suivez-le, la'allakum tahtadun, afin que vous soyez guidé. وقال اي الذي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن. Vous avez un bel exemple en la personne du messager d'Allah, لمن كان يرجو الله واليوم الاخر, pour celui qui espère rencontrer Allah, celui qui espère Allah et le jour dernier. وذكر الله كثيرا إيبوك الله في نمبر سوا. Alors ici, وهذه الآية, ce verset, أصل كبير, c'est un grand fondement في تأسي برسول الله, dans l'imitation du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, في أقواله وأفعاله, imiter ses paroles et ses actions, وجميع أحواله, et toutes ses situations, وحركاته, ses mouvements, wa sakanatihi, et son inaction. Alil uswa, cet exemple, innama yaslukuha man yuwaffaqu laha, man kana yarju Allah wal yawm al akhir. Il dit cet exemple n'emprunte cela, wa yuwaffaqu laha, et on accorde, ou Allah accorde la conformité de cela, man kana yarju Allah, celui qui espère Allah wal yawm al akhir, et le jour dernier. Fa inna ma ma'ahu min al iman wa khawfu Allah wa raja' al sawabi wa khawfi iqabih yahussun. Car ce qu'il a avec lui de la foi, la crainte d'Allah, l'espoir de la récompense d'Allah, la crainte de son châtiment, le pousse à la ta'assi bi rasulillah, d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharafu al-mu'min wa manzilatu, la noblesse du croyant et son degré, innama tuqasu bittiba'i, on mesure cela que par son suivisme. Fa kullama kana taharrihi lis-sunnah, et chaque fois qu'il fait l'effort de suivre la sunnah, كان بالدرجات الأولى أحق وأولى. Alors pour les degrés les plus élevés, il est celui qui est plus en droit et mis en avant. C'est-à-dire ici, منزلة الناس والشرف ليس بالعلم فقط. La noblesse d'une personne dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas par la science seulement, mais c'est dans le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne, in kana muttabi'an li sunnah, si il suit la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, law kana jahilan, même s'il est ignorant, fa huwa afdalu min al-alim alladhi la yattabi'u sunnah. Il est meilleur que le savant qui ne suit pas la sunnah, même s'il est ignorant. هو أفضل عند الله إلى مير أبرد الله سبحانه وتعالى فإن الله يحبه على أمسة person qui suit la sunnah ولو كان جاهلا من سيل ينورا. Et la balance de la sharia, c'est le suivisme de la sunnah. Voici la balance: celui qui veut l'amour d'Allah, celui qui prétend aimer Allah. Alors nous allons voir ici ayatul mihna. Alladhi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u man fattabi'uni Muhammad. C'est-à-dire, si vous aimez Allah, suivez Muhammad. Et Allah va vous aimer. Tayyib. Wa lidhalika kana as-salaf, c'est pour cela les pieux prédécesseurs, as-sabiquna min at-tabi'in, ceux qui ont précédé parmi les suiveurs, ceux qui ont suivi les compagnons, rahmatullah alayhim, Que la bénédiction d'Allah, que la miséricorde d'Allah soit sur eux. Yaj'alun al-mi'yar. Ils mettaient comme balance. Alladhi yuqadu bihi 'an ar-rajul. Ce dont on prend d'un homme, c'est-à-dire, il mettait comme balance, si on doit prendre la science avec une personne, qu'est-ce qu'on regarde? Ça, c'est depuis l'époque des salafs. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça y est, ce n'est pas aujourd'hui. Tu vois, certaines personnes, ils disent que ceux-là, ils aiment dire. Celui-là ne prenait pas la science avec lui. Celui-là prenait la science avec lui. Celui-là. C'est-à-dire, tasnif un nas, inqisam un nas, catégoriser les gens. Celui-là, la yasluhu an yukhadha anhu. On ne peut pas prendre la science avec celui-là. Hatta tu vois d'autres qui disent les salafs makanu yafaluna. Les salafs ne faisaient pas cela. Les salafs, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, la balance qu'il y avait auprès d'eux, écoutez bien cela, comme le dit le cheikh Abdussalam, il dit la balance pour prendre la science avec une personne, huwa tamassukuhu bis-sunnah, c'est son cramponnement à la sunnah. Voici la balance. Makanu yanduruna, ils ne regardaient pas Rajul Alim Kabir, Yahfazu Kutubu Sitta. Il a la science, il a mémorisé Kutubu Sitta, il a mémorisé le Coran, Waya'alamu Riwayat, il connaît les Riwayat. Là, Makanu yanduruna ila tamassukihi bi sunna. Il regardait son cramponnement à la sunna. Toyib, kama qala Ibrahim al-Nakhai. قام إبراهيم النخعي الذي كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم. lorsqu'ils allaient vers une personne pour prendre la science avec lui, نظروا إلى صلاته. نظروا إلى صلاته. ne veut pas dire sa ibada. لا. veut dire sa conformité. نظروا إلى صلاته وإلى سنته. الله أكبر. Il regardait sa sunna. Wa ila hayhati hayati. Il regardait sa manière d'être. Summa yakhuzuna anhu. Et il prenait de lui. Masalan, cette personne-là, qui vont prendre la science avec lui. Il regardait. Kayfa kana yusalli. Al kana yusalli. Kama salla nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il priait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? Il regardait sa sunna. Et regardez sa situation. Roubama sa situation avec les innovateurs. Roubama sa situation. Hal kana rajul mudahin. Hal kana rajul yani yudahin wa ahl al bidah. Est-ce que sa situation avant de prendre la science avec lui? C'est très important. Hada kana mi'yar salaf. Voici la balance chez les salaf. Alors wa yaqulu ahad al ulama. Certains d'entre les savants disent, Inna min al-alamat al-muhibbi lillah. Parmi les signes de celui qui aime, muhibbi lillah, celui qui aime Allah, mutaba'atu habibillah, c'est le suivisme du bien-aimé d'Allah. Qui est le bien-aimé d'Allah? Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fi akhlaqihi, dans ses comportements, wa fa'alihi, dans ses actions, wa awamirihi, ses ordres, wa sunanihi, et ses sunnah, c'est-à-dire la voie qu'il a tracée. Hada min alamati al-muhib lillah. Celui qu'Allah aime, celui qui aime Allah, voici les signes. Tayyib, wa hada haqqun ma'khudhu min kitabillah. Alors ceci est une vérité qui est prise dans le livre d'Allah, yaqulu Allah Ta'ala. Alors le très haut dit, qul in kuntum tuhibbuna Allah, Allah dit, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi Muhammad, يحببكم الله الا وبوز ايمي ويغفر لكم ذنوبكم اي بابو باردوني بو بيشي والله غفور رحيم اي الله يلو باردوني لو ميزيركوردي. قال الحسن البصري في تفسير هذه الايه l'imam Hassan al-Basri dit dans l'explication dans le tafsir de ce verset ja'ala Allahu alamata hubbihi, Allah a mis le signe de son amour iyahum bittiba' rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis le signe de son amour pour eux, le suivisme de son messager, c'est-à-dire celui qui suit son messager. هذه علامة على أنه يحب الله. Celui qui suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe montrant qu'il aime Allah. طيب. فلقد تواتر النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على الترغيب في العمل بالسنة. Alors tawatarat, c'est venu de nombreuses voix, les tests du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba ainsi que des Tabi'in dans l'incitation de mettre en pratique la Sunna wal has ala tamassuk biha et l'incitation de s'y accrocher. Voyez, voilà pourquoi certains d'entre eux disaient al-iqtisad fi sunna, se limiter à la Sunna khayrun min ijtihad fil bid'ah, c'est meilleur que faire les efforts dans l'innovation. Limada, l'anna sunna ma'djura, la sunna est récompensée, wal bid'a marfouda, et l'innovation est rejetée. Fa huwa raddun, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est rejeté, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, min ashari al-ahadith, parmi les plus connus, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Irbad ibn Sariya. C'est le hadith de Irbad ibn Sariya. Annahu qal, il dit, Irbad ibn Sariya, il a dit, wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une exhortation, c'est-à-dire nous a parlé. Et cela fait fleurir beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, ça fait couler les larmes et les cœurs tremblaient de crainte d'Allah. Fakulna ya Rasulallah. Et nous avons dit au messager d'Allah, inna hadi maw'izatun muwadda. Ceci est une exhortation de celui qui fait ses adieux. Fa'ausina, conseille-nous. Qala, ça c'est une autre version du hadith. Taraktukum ala al-bayda. Laïluha kanaharia. Je vous ai laissé ce qui est clair. Al-bayda bimana, blanc, limpide, sans aucune ambiguïté. Laïluha kanaharia, ala wasu. Sa nuit est pareille à son jour. Taïf, la yaziru anha ba'di illa hali. Ne va dévier de cela après moi que celui qui est voué à la perte. Allah nous préserve de la perte. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Je vous enjoins de suivre ma voie, ma sunna. طيب. Je vous enjoins de suivre ma sunna. Et la sunna de mes califes, Khulafa Rashidin al-Mahdiyin, de mes califes guides et bien guidés, Mimba a dit après moi, Tamassaku biha, accrochez-vous à cela, Wa'abbu alayha bin nawajiz, et mordez cela avec vos dents. Addu alayha bin nawajiz. Mordez cela avec vos dents. Nasallallahu alayhi wa sallam. وقوله عليه الصلاة والسلام ici dans le hadith la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam عليكم بسنتي. Alors cela veut dire ici بطريقتي ma voie التي أنا عليها ce sur quoi je suis مما فصلت لكم de ce que je vous ai éclairé من الأحكام parmi les jugements سواء كان اعتقاديا أو عمليا wajibatan aw manduba, que cela soit dans la croyance, dans les actions, et que ce soit obligatoire ou bien recommandé. Tayyib, alaykum bi sunnati, yani alaykum bi dini, suivez ma religion, tariqati, ma voie, suivez ce que j'ai envoyé, alaykum bi hada. Alors le istilah as-sunna ne veut pas dire se détacher et créer une voie. Là, laisse ma'ana. Le istilah as-sunna veut dire tariq, tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وما تخصيص الأصوليين للسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم quant au caractère يعني spécifique que les usuliyun ont donné au sein de la sunna disant que la sunna c'est المطلوب طلبا غير جازم c'est ce qui est demandé d'une demande qui n'est pas décisive, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire. Taïeb, ici il y a un problème de raison. Sur Orange, qui va me partager sa connexion? Est-ce que ça passe? Alors, c'est un jargon qui est venu après. Innama qusida bihi at-tamyiz baynaha wa bayna al-fardi aw al-wajib. Ce qui est voulu par cela, c'est mettre la différence entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Taïeb, il y a un problème de réseau, c'est ce que je suis en train de dire. Anishar, ida utliqat. La sunna suit la langue du législateur ici, c'est-à-dire la sunna dans le Coran et la sunna. C'est compris? Et d'août le code, lorsque cela vient, yuradu biha at-tariqatu shar'iyya. On veut par cela la voie de la récitation, allati kana alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi ibadatihi dans ses adorations, wa mu'amalatihi dans ses interactions, wa akhlaqihi et dans ses comportements, wa harakatihi wa sakanati, dans ses mouvements et son inaction. Yaqulu Urwa ibn Zubayr, as-sunanu as-sunan. Urwa ibn Zubayr, il dit, as-sunanu as-sunan. C'est-à-dire, les sunna, fa inna sunana qiwamuddin. Il dit que les sunan, c'est-à-dire la tradition, les traditions, ou bien, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé, c'est ce qui dresse la religion. Cette parole est rapportée par l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marouzi dans Sunnah. Aï ilzamu as-sunan. Il veut dire ici, exigez-vous les sunan, fa inna sunana ka les sunan qiwamuddin. C'est ce qui dresse la religion. Wa kana ibn Omar. Ibn Omar radiallahu anhu, كان يتبع أمر رسول الله وأساره وحاله. يسيب الأرض بمساجد الله صلى الله عليه وسلم ستراس إسا سيتياسيون ويهتم به إلى قدد الامبورتنس أسولا حتى إنه خيف على عقله jusqu'à ce qu'on a craint pour sa raison, min ihtimamihi bidhalik, la cause de l'importance qu'il accordait à la sunna. Parce que Ibn Omar suivait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans certaines actions dans lesquelles on pensait qu'il avait un problème de aql. C'est compris? Hatta lorsqu'il trouvait les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans certains hasards, il mettait son pied là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ses pieds. Fayyib, Nasallallahu alayhi wa sallam. Kama akhrajahu Abu Nu'aym wa ghayr. Et comme Abu Nu'aym et d'autres ont rapporté. Yakulu Zuhri, rahimahullah, kana man mada min ulama'ina yakul al-i'tisamu bisunna najah. Certains parmi nos savants qui ont précédé disaient: se cramponner à la sunna najah. Yani najatun, c'est une réussite. Najatun. Tayyib, qu'Allah nous accorde le najat. Alors ici, Nafi'i dit: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه إذا اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. Et si tu regardes Ibn Omar dans son suivisme de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu diras que c'est un fou. Et wa ana Asim al-Ahwal amman haddatha anhu qal. D'après Asim al-Ahwal, de ceux qui l'a rapporté d'eux, dit: kana Ibn Omar idha ra'ahu ahadun zanna anna bihi shay'an min tatabbi' athar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un voyait Ibn Omar, il allait penser qu'il a quelque chose. C'est-à-dire, il a un problème. À cause de son suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il ne se limitait pas seulement à suivre dans les adorations. Même dans sa manière de marcher. Même lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans certains asars, il y avait un arbre quelque part, il s'abaissait. L'arbre a été coupé après. Ibn Omar s'abaissait. Malgré que l'arbre n'existe plus. Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, ce qui démarque le salafi de celui qui n'est pas salafi, c'est l'importance qu'il accorde au suivisme de la sunna. Et ce n'est pas seulement dans l'aqida. Tayyib, parce que malheureusement, il y a d'autres qui pensent que c'est l'aqida, l'aqida, l'aqida. Et ils oublient beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects. Tayyib, le ihtimam que tu accordes au suivi de la sunna te démarque des autres. Car cette importance que tu accordes au suivi du professeur alayhi sallam vient de ce qu'on appelle hubbun nabi, l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi sallam. Parce que si tu aimais réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi sallam, innal muhib liman yuhibbu muti', celui qui aime, il dit j'aime telle personne, yatba'uhu fi kulli shay, il le suit dans tout. Même dans sa manière de marcher. Tayyib, même dans sa manière de parler. Même dans sa manière de manger. Même dans sa manière de s'habiller. Il le suit dans tout. Mais notre suivi ici du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela est une garantie pour nous d'entrer au paradis. Lianna sunnata naja. Car la sunna est une réussite, est une préservation. Ça te préserve du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'importance du suivisme de la sunna. Wa l'ihtimam bi sunna فوائد كثيرة لا تحصى. L'importance accordée à la sunna a beaucoup de bénéfices qu'on ne peut pas dénombrer. Minha تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله فيها كما في الحديث القدسي. C'est l'obtention de celui qui s'exige la sunna. Il obtient ainsi le degré de l'amour, al-mahboubiya, dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith al-Qudusi, « وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِ » Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires. « حَتَّى أُحِبَّ » Jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Si je l'aime, alors je serai l'oreille avec lequel il entend. C'est-à-dire, il sera préservé d'entendre ce qui est haram. Pas pour dire que Allah va rentrer dans son corps, comme le pensent certains. Ils disent que cela veut dire que Allah rentre dans le serviteur, parce qu'il est l'oreille avec, et il devient l'oreille d'Allah. Mais comment il peut devenir l'oreille d'Allah si Allah n'est pas en lui? Avec Allah Moubati. Voyez? Donc ici, Kuntu Sama'u Ladi Yasma'u Bi. C'est-à-dire, son Sama sera préservé du haram. Wa Basaru Ladi Yubsiru Bi. Et il sera la vue par laquelle il voit. Wa Rijla'u Ladi Yamshiu Biha. Et le pied avec lequel il marche. Wa Yada'u Ladi Yabtishu Biha. Et la main avec laquelle il attrape. Wa in sa'ala li la utiyanna, si me demande je lui donnerai, wa la in ista'adani la u'idanna, et si me demande protection je vais le protéger. Ça c'est la faïda de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque tu suis la sunna, alors tu obtiens ce degré là takunu wali min awliya illa. Tu deviens allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaidi tamassuk bihi yawm al-qiyama. Wa min fawaidi tamassuk bi sunnah. Parmi les mérites de s'accrocher à la sunnah, annaha tujbaru al-fara'id. La sunnah compense les actes obligatoires. Le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawm al-qiyama. La première des choses dont on juge les gens, yani, la première des choses avec laquelle on juge les gens, le jour de Yawm al-Qiyama, min amalihim, de leur action à salat, c'est la prière. Fayaqulu Allahu li malaikati, Allah dira à ses anges, Onduru li salati abdi, regardez la prière de mon serviteur, atammaha am naqasaha, est-ce que sa prière est complète ou bien diminuée? فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً قُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً. Si sa prière est complète, alors il sera inscrit que sa prière est complète. وَإِنْ تَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا. Si quelque chose a diminué, قَالَ اللَّهُ, Allah dira, أُنْزُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَتَوَّى. Regardez, est-ce que mon serviteur a des actes surrogatoires? فَإِنْ كَانَ لَهُ تَتَوَّى. S'il a des actes surrogatoires, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Ici, kalamun am. Comme a dit le ba'd ulama. Tout acte qui rentre dans le service de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est ata'assi bil rasul, ce n'est pas seulement les actes au niveau de la prière surrogatoire. طيب, tout ce qui rentre le ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Yawm al-Qiyama, on prendra cela pour compenser les actes obligatoires. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa minha, parmi les bénéfices, anna lil mutamassik bi sunnah, est que celui qui se cramponne à la sunna fi akhir zaman, dans la fin des temps, il a ajran kabira, une grande récompense. Fi akhir zaman, Les hadiths d'Utba ibn Ghazwan. Utba ibn Ghazwan, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر. Il y a derrière vous des jours, c'est-à-dire il y a dans les jours à venir des moments de patience. الله أكبر. للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. Celui qui se cramponne à la sunna dans ces moments, alors il aura la récompense de 50 parmi vous. C'est-à-dire lui seul, il aura la récompense de 50 parmi vous. Qalu ya Nabi Allah. Ils disent au prophète d'Allah. Aw minhum, ou bien parmi eux, 50 parmi eux, ou bien 50 parmi nous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qala bal minkum, 50 parmi vous. Alors ici, cela, comme les savants ils disent, ne veut pas dire que ceux qui vont patienter sur la sunna dans la fin des temps seront mieux que les compagnons. Là, as-sahabatu hum afdal, les compagnons sont meilleurs. Mais ici, c'est en termes de récompense. Au fur et à mesure que le serviteur est éprouvé, il a plus de récompense que celui qui n'est pas éprouvé. Dans la fin des temps, il y aura tellement d'ambiguïté. Il y aura tellement de mélange. Il y aura tellement de faux imams. Des du'at à la abwab jahannam. Des prédicateurs qui appellent au port de l'enfer. Regardez ces prédicateurs-là. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a créé cela pour sa communauté plus que Masih al-Dajjal. Plus que Masih al-Dajjal. Quand il a dit à ses compagnons, Akhwafu ma akhafu alaykum min al-Masih al-Dajjal. Ce que je crains le plus pour vous, plus que le Messie Dajjal, ce sont les imams égarés. Parce que Masih Dajjal, les savants ils disent quoi? Le Masih Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit pour les croyants. Et le croyant sincère reconnaîtra Masih Dajjal par la description que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Mais les imams égareurs qui viennent dans la peau du meilleur conseiller, du bon conseiller, celui-là, tu ne le verras pas venir. Tayyip, tu ne le verras pas venir. Il va même jurer que ce qu'il est en train de te dire, c'est la vérité. Il va même te donner des fausses sources. Va regarder dans Kitab ou Kadzab. C'est pas là-bas. Mais là, s'il dit une source à des gens qui ne connaissent rien, comment ils vont aller chercher? Surtout les gens aujourd'hui ne cherchent même pas. Quand vous donnez une source, si vous avez la capacité, allez-y, regardez. Premièrement, ça renforce votre science. Deuxièmement, vous n'êtes pas prêt à oublier cette source-là. Et quand est-ce que vous allez donner cela à quelqu'un, vous allez dire, c'est dans Kitab ou Keda, fi Kitab et Keda. Al-Ziyadatul-Aïd. Et ça vous permet de connaître celui qui dit la vérité et celui qui ment. Souvent, il peut prendre un hadith, il coupe et puis il te donne. Mais lorsque tu vas à la source, tu regardes le hadith, tu verras réellement qu'il a décontextualisé la parole. Il peut prendre aussi la parole d'un savant, il l'enlève dans son contexte et puis il te donne. Il dit, mais Cheikh Salah Al-Fawzan a dit qu'on ne peut pas mise en garde. Et il te donne, il te dit, voilà. Cheikh Salah Al-Fawzan dit, faut pas les étudiants anciens vont s'occuper à ça. Toi, tu dis, ah, bon, si Cheikh Salah Al-Fawzan aussi dit ça, c'est vraiment c'est un grand savant, donc nous, on n'a rien à dire. Va regarder la parole complète du Cheikh. Peut-être qu'il entend de parler ici des gens. De façon spécifique, c'est pas dans la généralité. Voilà l'importance d'aller vers les sources. qu'Allah nous préserve. Donc il faut comprendre que vers la fin des temps, les choses seront tellement mélangées. Regardez aujourd'hui, si tu ouvres les réseaux sociaux, tu rentres net, il y a des gens qui commencent à parler de la religion parce qu'ils cherchent des vues. Parce que lui, il veut qu'on dise « Ja abishay bima alam yastati awa'il ». Il est venu avec quelque chose que personne n'a envoyé. Et ça vient ici maintenant l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafir. L'homme se lève le matin, dès qu'il clique sur ces réseaux-là, le soir il devient mécréant. Parce qu'il y a des ignorants, des chercheurs de vue, des gens qui, même lorsqu'ils parlent, tu sais que dans leur tête ça ne va pas, qui sont sur les réseaux sociaux, que toi tu suis. Ils vont mettre ces ambiguïtés dans ta tête. Et le soir d'ici, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah, est-ce que ce gars-là, ce qu'il est en train de dire, là, c'est pas la vérité. Kod kafar. Kharaj tamina l'islam. Qu'Allah nous préserve. N'oubliez pas, nous sommes dans une époque de fitna. Et celui qui va patienter, comme l'a dit le messager d'Allah sur l'ancien, s'accrocher à la sunna, للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم وقد كان السلف رحمة الله عليهم للسلف قال لفاس ميزيكود يشددون في ترك بعض السنن إذا تدور dans le délaissement de certaines sunan. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu délaisses certains sunan, ça t'amène à laisser ce qui est plus grand que cela. On néglige rien. Tout ce qui est sabit, anna ou sunnat un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, le salafi, doit être accroché à cela. Ça, c'est l'un des fondements de la salafia. Regardez par exemple les rawatib. Ce n'est pas obligatoire, mais le salafi, celui qui est connu comme le salafi, il doit être l'exemple, il doit suivre ça. Il doit faire les rawatib. Il doit rester sur ce qui sont les sunan. On ne parle même pas de négliger les fara'id. Mais regardez aujourd'hui des salafis. Fara'id, mushkila. Farida, mushkila. Talab al-ilm, sifr. Farida, zéro. Alors que ça fait partie des fondements de la sunna, de la salafia, de donner de l'importance. Au quoi? Au sunan. Car dans le suivi de sunan, cela amène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici. Les salaf, ou yaloumouna tarikaha mutlaqan, ils blâmaient celui qui délaissait certains sunan de manière générale. Li annahu qad yatanawalahu umuma qawlihi. Car il peut rentrer dans la généralité de la parole du professeur alayhi sallam qui dit فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Il peut rentrer dans la généralité de cette parole-là. فَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدِ. C'est pour cela l'imam Ahmad dit مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ فَوَ رَجُلُ سُو. Celui qui laisse le huître, فَوَ رَجُلُ سُو. Imaginez, il y a certaines personnes aujourd'hui, يَنَامُ وَلَا يُوْتِرَ. Ensuite, il se lève à Fajr, avant Fajr, la yutir. Wa ba'da al-Fajr, la yutir. Wa yatruku al-witr. Ahyanan, yawman, yawmayn. Un jour, deux jours, troisième jour, il fait le witr. Ada tarikul al-witr. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a kana yatruku al-witr hatta fi safar. Même dans le voyage, où on s'est permis de raccourcir la prière. Parce qu'il y a la mashaqqa. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas le huître. Voilà pourquoi l'imam Ahmad considérait celui qui délaissait le huître, rajulun su. Et il a dit quoi? La yambari an tuqbalu lahu shahada. Il dit, c'est pas possible, il ne convient pas qu'on accepte de lui un témoignage. qu'Allah nous préserve. Qu'on accepte de lui un témoignage. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, Onzul Arraudul Morbe, voilà la source ici. Fakullu ma sabata min sunnati rasoul. Tout ce qui est venu, affirmé comme sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nas'a sa'yan shadidan li tatbiqi. Allons faire l'effort de mettre cela en pratique. Concrétiser cela. Wa ta'alimihi, l'enseigner, l'innas, aux gens. La'allallahu, espérant que Allah an yahabana ajraman ahya sunna. Sunan. Qu'Allah nous donne la récompense. Espérant que Allah nous donne la récompense de ceux qui vont faire revivre la sunna. Tayyib. La sunna, on peut l'oublier lorsqu'on arrête de mettre la sunna en pratique. Ou bien aussi, on peut faire mourir une sunna en mettant à sa place une innovation. Wahakaza. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Al-Aslu Sa'adis, le sixième fondement. Excusez-moi, on va terminer ce sixième là. Ou bien on peut pas? Hein? On peut. Inch'Allah, on va essayer. Le sixième fondement de la da'wah salafia. الارتباط الوثيق بعلماء السنة. Le lien étroit avec les savants de la sunna. هذا أصل من أصول أهل السنة. C'est un fondement parmi les fondements de la sunna. Alors le chef dit لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوونها في الشريعة الإسلام. Ce n'est caché pour personne le mérite des savants et la place que ces savants occupent dans la législation de l'islam. ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على ارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم. Il y a certaines personnes qui mélangent entre l'incitation à rester derrière les savants, c'est-à-dire avoir un lien étroit avec les savants et le fanatisme et le suivisme aveugle. Parce que lorsque tu dis non, regardez, restez derrière les savants, tu dis non, nous on ne se fanatise pas. Est-ce qu'on t'a demandé de te fanatiser? On dit reste derrière les savants, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et Allah dit, fas'alou ahl al-zikr, in kuntum la ta'lamoun. Il y a des preuves. Ou il n'y a pas de preuves. Il y a des preuves, n'est-ce pas? Mais il vient, il mélange. Comme le dit le Cheikh Abdus Salam ici. Il mélange entre l'incitation à avoir un lien avec les savants et le ta'assou, le suivisme avec vous. فالارتباط بالعلماء, le lien avec les savants, ici veut dire quoi? أخذ العلم عنهم, prends la science avec eux. والاستفادة منهم, profiter de بالتوجيه, par les directions qu'ils vont donner. والإرشاد, et par les voies qu'ils vont montrer. ونحو ذلك, et autre que cela. كما أنه يعني أيضا, comme cela veut dire aussi تقليدهم ممن يسوغ له التقليد. Mais l'âme, les suivre, c'est-à-dire les imiter, pour celui dont il est permis pour lui de faire le taqlid. C'est compris? وَمَنْ لَيْسَ مُؤَهَلًا لِلْتَمْيِيدِ الصَّوَابِ فِي الْقَدَايَا الْعِلْمِيَةِ. Celui qui n'est pas apte à connaître la différence entre ce qui est vrai du faux dans les affaires de science. Toyim, ici, entre parenthèses. Lorsque quelqu'un dit non, on ne fait pas de taqlid. Al-kalam haqqun wa khata. Ça peut être une erreur, comme ça peut être correct. Non. On ne fait pas de taqlid. Ça va? Mais la oufassalta, la kana jayida. Si tu détaillais, ça allait être mieux. Ça va? Les awam qui n'ont pas de alaqa avec la science, ceux-là, ils doivent faire le taqlid. Ils doivent suivre ceux dont ils ont confiance en eux dans les masaïs, parmi les savants. Par exemple, moi, je ne connais rien. Tu me demandes d'aller faire istimbat. Je vais faire istimbat comment? Tu me demandes d'aller chercher la preuve. Hein? Comme tu vois, par exemple, un ignorant qui te dit, « Dalil !» Fais la hakika la yafamu dalil. En réalité, lui-même, il ne comprend pas la preuve. Il dit, « Dalil !» Tant que tu ne me donnes pas dalil, « Ok, toi, il t'envoie le dalil. Comment tu vas comprendre ?» Donc dans ces gens, quand cette personne, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu imites un savant, tu suis un savant. Toyib, et c'est ce que les ulama ont dit. Ala taqlid. Lakin, idha zahara laka haqq. Si tu vois la vérité ailleurs, tu ne restes pas derrière celui que tu es en train de faire le taqlid, derrière lui. Voilà pourquoi d'autres ont dit, tu peux suivre un mazhab. Mais, si la vérité apparaît ailleurs, qu'on t'a expliqué, qui t'a convaincu, tu laisses ton mazhab pour suivre l'autre voie. Ça ne veut pas dire que tu quittes totalement le mazhab. Ok? Maintenant, celui dont le taqlid n'est pas permis pour lui, c'est celui qui connaît le istimbat, qui sait où prend le dalil. Celui-là, là, il y a 12 là où taqlid. Parce que c'est un étudiant en science, il sait où on peut aller trouver la preuve. Il sait comprendre la preuve et il sait comment faire même le istimbat, comprendre même la preuve. Il sait. Adalaya Juzulahu Takli. Taïr, qu'Allah nous apporte la compréhension. Wa hadal irtibat bi ulama is salaf, sabakan qarrarnahu wa awdahna. Alors ce lien avec les savants de nos pieux prédécesseurs. On a précédé à dire cela et clarifier cela. وَبَيَّنَّ فَوَائِدَ Et on a clarifié ses bénéfices. وَبَيَّنَّ الْأَدْرَارَ الَّتِي تَتَرَتَّبُ إِنَّمَا يَتَخَلَّ النَّاسَ عَنْهُ Alors, on a clarifié aussi les mots que cela peut résulter lorsqu'une personne va se détacher de cela. يَقُولُ imam الشيخ عبد الرحمن السعدي Alors c'est cette parole d'Abd al-Rahman ibn Sa'idi que nous allons lire et à la fin la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Non, c'est la parole de l'imam Sa'idi qu'on va lire. Tayyib, et on va s'arrêter inshallah. L'imam Sa'idi, il dit fi ma'rid bayan ni'amillah 'ala ahli al-bilad. Dans l'exposition de la clarification qu'il a fait montrant le bienfait d'Allah sur ces pays-là, c'est-à-dire Mamlakatul Arabiyyat al-Saoudiyya. Il dit, « Fanaqallahu dinakum min al-bida'i wal-ishraq. » Allah purifie votre religion des innovations et de l'associationnisme. « Wasallamakum min wasa'il al-shirk wa turuq al-ghay wal-halak. » Et vous a préservé des moyens qui mènent au shirk et les voies de déviation et d'égarement. Biwasa'il wasbabin yassaraha subhana. Par des moyens et des causes qu'il a facilité. Haysu aqama lakum kulla imamin qad istaqama ala sirat al-mustaqim. Car Allah a dressé pour vous tout imam qui s'est dressé sur la voie droite. Fakana imamukum al-imam Ahmad ibn Hanbal. Votre imam, que l'imam Ahmad ibn Hanbal, akbar imam, le plus grand imam nasara sunna wal kitab, qui a défendu, secouru la sunna et le livre d'Allah, wa bihi et par lui, wa bi ashabihi et ses compagnons, ceux qui l'ont suivi, wa atba'ihi, ceux qui l'ont suivi, wa nudara'ihi, et ceux qui sont pareils comme lui. Yurafu sunni min al-bida'i min sa'iri. Afwan, ici, وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدع من سائر الطوائف والأحزاب. Donc si on finit la phrase, يستقيم المعنى. Aidé par lui et ceux, ses compagnons, et ceux qui l'ont suivi, et ceux qui sont égaux, c'est-à-dire comme lui, parmi les savants de la Sunna, on connaît par cela le sunni de l'innovateur, Minsa et le Tawaf, de tous les différents groupes et les différents partis. C'est-à-dire par l'imam Ahmad, et par ceux qui sont les savants comme lui, on distingue. C'est compris? حتى أقام الشيخ أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية. Jusqu'à ce qu'Allah ait dressé, fait sortir cet homme, Cheikh l'Islam ou le Muslimin, le Cheikh l'Islam et les musulmans, Ahmad ibn Taymiyyah, Fajahad al-Kuffara ou al-Munafiqin. Il a combattu les mécréants et les hypocrites, Wasa'ir al-Mulhidin et tous les athées. Wa azhara min sarihi sunnah. Il a fait paraître de ce qui est clair de la sunna wa alamaha et ses traits caractéristiques wa ulumaha et ses sciences ma ajasad anhu madarik al awwalin wal akhirin. Ce qui a été incapable la connaissance des premiers et des derniers. Wa salaka tariqatahu et a suivi sa voie talamizatuhu wa atba'uhu ses élèves et ses suiveurs min fuhul al-ulama des grands savants al-muhakkikun ou al-muhakkikin les investigateurs hatta jaa an-nawba bi Sheikh al-Jazira jusqu'à est venu an-nawba à sa place ou bien derrière lui Sheikh al-Jazira le chef de la péninsule wa imamuha wa al-awwab et son imam le repentant Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Le Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ici, il parle des efforts que ces savants ont fait pour dresser la sunna. Ahmad ibn Hanbal, ensuite Ahmad ibn Taymiyyah avec ses élèves. Donc ensuite, il dit par cela, on reconnaît le sunni de l'innovateur. C'est une règle qui est très importante qu'on doit retenir. Imam Ahmad Kamakala Sheikh Rabi, comme Sheikh Rabi l'a dit dans son Usul Sunnah, Kena Mihna, c'est une épreuve. Yumtahanu Nas Bihi. On éprouvait les gens par l'imam Ahmad. Celui qui disait, Masal, on te pose la question. Qui est l'imam Ahmad? Il dit, Rajul Sou, Anta Murtada. Inta. Il dit, non, là, non, mais pourquoi ça, c'est rapide, c'est la rendu innovateur. C'est trop rapide. Hein? Murtada. Non. Ça, c'est une voix qui est connue chez les salafs. Dakan, il ne sait pas appliquer les règles. Non, il est trop dur. On posait seulement la question à une personne, quelle duty de l'imam Ahmed? S'il dit non, Rajul Sou, Mubtada. Khalas, on te classe. Et puis on passe au suivant. Qu'Allah nous préserve. Hein? Ça, c'est plus petit qu'on te voit avec un innovateur en train de marcher. Hein? On te voit avec lui en train de marcher. On dit, bon, toi, tu marches avec lui, c'est pourquoi? Il dit, non, ils sont en train de le réformer. Finaf, c'est le work for Wajahi. Comment lui va réformer celui-là? Hein? Man satara anna bid'ata lam tukfa alayna ulfat. Hati qaida tu salaf. C'est la qaïda de nos salafs, ça c'est connu. Mais celui qui a le tamis, il va venir, il va dire non, tu sais, les règles au temps des salafs, on ne peut pas appliquer comme à notre temps. Les règles, là, c'est pour qu'on fasse quoi avec. Hein? C'est pour appliquer, non? Après, on regarde, c'est vrai, les massages, c'est facile. Il y a certaines personnes qui ne vont pas appliquer parce qu'on connaît la bonne intention de lui. On se dit, non, c'est quelqu'un qui est ignorant. Mais il y a des gens qui ne sont pas ignorants. C'est compris? Nasallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il veut dire ici. Éprouver les gens par, par des individus. Ça, c'est connu du manhaj des salaf. Man ankara zalika fa huwa jahil bi manhaj salaf. Celui qui nie cela, il est ignorant du manhaj des salaf. Ça, c'est connu. Et le chef Rabbi qui a dit cette parole, il dit on éprouvait les gens par Ahmad bin Hanbal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de lui? On éprouve aussi les gens à cette époque par Cheikh Rabi. Hein? Lorsqu'il est décédé, tu vois les Munharifounes, ils sont sortis, ils disent non, tu vois, le Cheikh Rabi, il a fait des efforts, mais Rajul Kena la Huzella. Ya Rajul, tu n'as pas dit ça depuis longtemps, c'est aujourd'hui que tu vas dire. Fa'alam anna fihi shay. Sache qu'il a quelque chose en lui. Allah nous accorde la compréhension. Et nous facilite la mise en pratique. Alors ici, le cheikh Abdussalam dit, l'imam de Jazira, de la péninsule, l'imam cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, alors lui, son tour est venu. Faqama bihad al-amra tamma al-qiyam. Alors il s'est dressé avec cet ordre qui est la da'wa, d'une belle manière et complète. Falam yazal fi jihadi mal a'da. Il est resté dans le jihad avec les ennemis. Wajallad hatta nashara tawhid wa sunnah. Et il est resté solide comme un bourreau jusqu'à ce qu'il a propagé le tawhid pur wa sunnatul mahad et la sunna pure baina al-ibad entre les serviteurs. Wa qama shirk. Il a maté le shirk. Wa wasa'il bid'ah. Les moyens qui mènent à l'innovation ou à la façade et la destruction. Fakhalasatul jazira. Walillahilham. Il a nettoyé la jazira, la péninsule, et la louange appartient à Allah. Wansabakat bisunnat wa tawhid. Et la jazira, wansabakat bisunnat wa tawhid. Et la sunna et le tawhid est devenu apparent. Une sibar, c'est teinture. C'est-à-dire la chose est devenue claire. Fasalimat bimasa'ihi al-mashkura wa masa'i talamizi wa ahfadihi wa ansarihi min ash-shirki wa tanlid. Il dit, et il a préservé Jazira par ses efforts louables et les efforts de ses élèves ainsi que de ses petits-fils et de ceux qui l'ont aidé. Il a salimat min ash-shirk wa tandid. Il a préservé la jazira du shirk et de le tandid, qui est le fait de donner des égaux à Allah. Falam tajid fiha walillahi alhamd qubbatan ala qabr. Après la venue de Cheikh Mohammed ibn Abdari sa dawa, tu ne trouveras plus, ou bien après cela, tu n'as plus trouvé une construction sur une tombe. Tout a été nettoyé par la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Wala mashhadan wala tawassulan bil makhluqin. Le mashhad, pas de site où les gens partent adorer d'autres divinités ou bien des constructions au-dessus des tombes. Alors, tu n'as plus trouvé cela après le passage du Cheikh Mohammed ibn Abdullah. Et aussi, le fait de se rapprocher des créatures par le fait de chercher les moyens. Wala maulidan, ni de maulid. Wala ma'badan, ni d'endroit d'adoration. Awalaysa min akbari ni'amillahi alaykum wa jalli ihsanillahi ilaykum. Il dit, est-ce que cela ne fait pas partie des plus grands bienfaits d'Allah et les meilleurs bienfaits, ihsanillah, que la bienfaisance d'Allah sur vous, an qayyada lakum ha'ulay sadda al-gharara, que Allah vous a accordé ses maîtres illustres. Ces grands maîtres, الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح, ceux dont Allah a préservé à travers eux la religion correcte, وتحقق وانتشر. Et la religion correcte s'est concrétisée et s'est propagée. حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى الشراب. الله أكبر. Vous êtes nés, vous ainsi que vos grands-pères, vos pères, vous êtes nés en train de boire dans la source pure de la charia. N'est-ce pas? Regardez, il parle des habitants de Mamlaka. Ils sont dans le bonheur. Dans la baraka de la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abdullah, rahimahullah. Cette dawa-là, la yaqbalu shay'an min al-mujamalat. Ça n'a servi rien de flatterie. Cette dawa a besoin de sincérité. Dawa tout est la tawhid wa sunna. Allah. Et n'eût été cette dawa à la cette manière, les gens ne vont pas comprendre le tawhid ni la sunna. Les seules personnes qui font cette dawa comme il se doit, allazina imtasalu dawat Cheikh Islam Ibn Taymiyyah wa Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Abdul Wahhab wa sa'ir ulama al muslimin. Ils ont suivi la dawa de ceux-là. Ils sont restés fermes, ils ont appelé au tawhid, ils ont appelé à la sunna, ils sont restés fermes. Les gens vont grandir dans le tawhid. Mais c'est pas la hizbiya. La hizbiya est très loin d'apporter cette compréhension aux gens. Au contraire, la hizbiya vient détruire la aqida des gens. Le manhaj des gens. Les laisser comme des mangues vides. Il n'y a rien dedans. Tu vois seulement la peau. Mais dans l'intérieur, zéro. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, le cheikh dit encore, « وَتَغْتَرِفُونَ مِنْ زُلَالِهَا أَحْسَنِ اِغْتِرَافِ » Et vous puisez de sa source pure, douce, de la meilleure façon. Lam tudriku hadha biwasilatin minkum. Vous n'avez pas atteint cela par des moyens venant de vous-même. Wala quwwata ilm, ni par la force de la science, wala zakat, ni par l'intelligence. Inna dhalika fadlullah. Car cela n'est que la grâce d'Allah, allazi laysa lahu ghaya wala intaha. Qui n'a pas de fin ni d'extrême. Bainama tarawna al-aqtar al-ukhra. Pendant que vous voyez les autres contrées mahshuwatan bi-shirk wal-kufr, rempli de shirk et de mécréance, wal-ilhad as-sura, et l'athéisme clair, mamlu'atan bil-bida, rempli d'innovation, wa bina'il mashahid al-qubur, et construit les tombes, construit sur les tombes, wal akhlaq al-qibah, et les mauvais comportements. C'est-à-dire, pendant que vous voyez dans les autres pays, il y a la bida, il y a le shirk. Les gens construisent sur les tombes. Les gens ont des mauvais comportements. Alors que vous, par la grâce d'Allah, vous êtes dans un pays où toutes les mosquées sont alignées sur le tawhid. Toutes les mosquées sont dressées. Bal al-balad. Tout le pays est dressé sur da'wat salafi. Alahada min ni'matillah. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahmadu rabbakum ala hadhihi ni'am. Le cheikh dit, louez votre Seigneur, remerciez-le pour ce bienfait. Allati la tastati'una la addan wa la shukura. Vous ne pourrez pas dénombrer cela et remercier cela. فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة. Si nous on s'accrochait, on se liait à ce cercle béni, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou l'Imam Ahmad rahimahullah alayhim ajma'in, si on se liait à cela, irtibatan tamman, d'une manière complète, la waqana Allahu al-wuqu'a fi al-bid'ah. Allah va nous préserver de tomber dans les innovations. Ou l'inhiraf, dans les déviations. Ou ra'at-tiyarat al-mubtila, derrière des courants caducs, al-mudilla, qui égare, allati tartadi thiyab as-sunna, qui ici porte le vêtement de la sunna, wa sunnatu bari'atun minha kull al-bara. Alors que la sunna se désavoue d'une manière totale de ces différents courants, de ces différentes idéologies qui viennent. وما دخل علينا هذا النقص et cette imperfection est rentrée dans notre pays illa yawman tarakna hadha al-manhaj, que le jour nous avons délaissé ce manhaj. وضربنا عنه صفحا, et on a mis derrière nous. واستغنينا عنه, on a délaissé, on s'est passé de cela en suivant بمناهج استقدمها لنا, des voies que nous a apporté أناس من مصر, en parlant les إخوان, des gens venant de Misr, Walhim et de l'Inde, en parlant de Tablir, wa min ghayriha, et autres questions. Des gens, Ikhwan, ils viennent de Misr, ils ont amené leur aqida dans Mamlak. Les Tablir de l'Inde, ils ont amené leur aqida dans Mamlak. Et les Abna ul Mamlaka, d'autres ont délaissé le Tawhid, la sécurité pour suivre ces groupes-là. وَمَا تَنَبَّهَ السَّعُودِيَ, et Saoudia ne s'est réveillé que lorsque ils ont réussi à accueillir beaucoup de personnes. Et dernièrement, ils ont fait maintenant des mises en garde sur Jamaat al-Tabliq dans tout le royaume. Et ils ont fait aussi des mises en garde sur Ikhwan al-Muslimin dans tout le royaume. Mais Abnaou, Mamlaka, beaucoup ont laissé cette ni'ma d'Allah. Les savants qui sont là, qui sont les Abna ou Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ses Ahfad, ses petits-fils, les Al Sheikh, ceux qui sont toujours là. Tayyib, les grands savants qui sont là, ils ont délaissé leur compréhension pour aller suivre des gens comme Mohammed Qutb, des gens comme Mohammed Surur, Zainul Abidin. Ils ont suivi ceux-là. Ils ont laissé Ibn Baz, Othaymin, Mohamed Ibn Ibrahim, Mohamed Aman al-Jami, hein? Tous ces grands savants, ils ont laissé. Qu'Allah nous préserve. Voyez, manahaj ba'ida, et ces manahaj qui sont rentrés sont des voies très loin pour l'al-bu'd. Et très éloigné en manhaj salaf salih, de la méthodologie des prédécesseurs. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors, ce sixième fondement nous dit quoi? On va vers Khulasat al-Mawdou. Et rester avec les savants de la Sunna. Et surtout, le conseil reste avec les savants, surtout contemporains. Les savants anciens, Indahum Ilmun Ghazir. Mais les savants contemporains, tu suis toutes les deux catégories de savants. Mais les savants contemporains connaissent plus la situation contemporaine. Ça va? Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il ne va pas te parler des moments hier de notre époque. Ok? Parce qu'il n'est pas là. Il ne va pas te parler aussi de Haddadiyya parce qu'il n'est pas là. Mais c'est de voir Yatajaddad, se renouvelle. Ce qui était à leur époque, d'autres sont apparus avec d'autres formes qui n'étaient pas à leur époque. Donc quand tu lis les Kutub de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans les Tahsil, pour connaître les fondements et savoir comment appliquer ces fondements, retourne-toi vers les savants contemporains de notre époque. Aujourd'hui, nous avons Mufti Zaman, Mufti Diyar, le Cheikh Salah Al-Fawzan. On a ces grands savants qui sont toujours là. On a ces savants-là. Restons accrochés et ayons un lien avec ces savants. Celui qui reste avec ses savants, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, il sera préservé. Mais regardez tous ceux qui ont choisi de ne pas être avec ses savants. Wastaghnaw min al-ulama. Ils se sont passés des savants. Et ils ont dit, fahum rijal wa nahnu rijal. Ils sont des hommes et puis nous on est des hommes. Là où ils vont prendre, bon, c'est que soit la présence, c'est qui? C'est un homme. Moi aussi, je suis un homme. Ou bien, j'ai étudié à l'université de Médine. J'ai doctorat. Lui aussi, il est docteur. Moi, je suis docteur. Non, c'est le même degré. Ou bien, au niveau du diplôme. Donc, pourquoi aller prendre lui alors que je peux aller prendre là où il a pris? Hein? Donc, par cela, ils n'ont pas de repère. Ces personnes n'ont pas de repère. Ils pensent que la science se limite au diplôme. Wallahi ma'ala bi'il. C'est pas science. Ces savants-là, Cheikh Sal al-Fawzan, c'est le savant qui connaît le savant. Ceux qui ont le doctorat, Imam Laka, ils savent que même avec tous les doctorats réunis, il ne peut pas se comparer avec Cheikh Sal al-Fawzan dans la science. Ni à Cheikh Rabi qui est décédé. Ni à ces savants-là. Aujourd'hui, il y a Cheikh Sal al-Suhaimi. Il y a ces grands savants. Qui, même malgré qu'ils sont aveugles, ils ne regardent pas dans les livres. Mais lorsque tu leur poses la question, tu as l'impression que ce qui vient de leur tête là, ils te donnent exactement même la source. Là, c'est la ilm. C'est cela les savants. Taïr. Mais. Al-Mutashabihuna bil ulama. Ceux qui se font ressembler, qui veulent ressembler, on va dire, on va les ressembler aux savants. Hein? On va finir par dire aux gens, non, chaque pays a ses savants. Hein? En Arabie Saoudite, il y a l'Ajna. En Côte d'Ivoire aussi, il y a l'Ajna. Hein? Il y a l'Ajna ici aussi. Donc, au lieu d'aller jusqu'à là-bas, là, retourne-toi, voilà, ou l'Ajna. L'Ajna d'ici, c'est quoi? C'est Anaou, le comité permanent des grands savants de Côte d'Ivoire. Cela nous préserve. Non. Il y a d'autres aussi qui disent, suivre le peuple qui arrache les gens ensemble. Ils disent que les étudiants qui ne sont pas allés auprès des savants, vont aller étudier auprès des savants. Ils parlent d'une manière de ça, qu'on ne doit pas prendre les savants de ceux qui ne sont pas allés vers les savants. Ceux qui n'ont pas voyagé pour aller vers les savants. Ils veulent par cela dire quoi? Celui qui n'a pas voyagé pour aller vers un savant, c'est-à-dire une manière de dire qu'on ne prend pas la science avec lui. Allah Moussa. Allah nous préserve. Cheikh Albani, rahimahullah, il n'est pas allé vers un savant pour aller étudier. Mais Allah lui a accordé la grâce. Tu as compris? Il a eu la science. Et à l'exemple de cela, on peut donner beaucoup d'autres. Taïb, qu'Allah nous préserve. Alors, ce n'est pas une obligation pour une personne qu'il voyage pour aller vers les savants aujourd'hui avant d'acquérir la science. Ce n'est pas une obligation. Mais s'il a pu être auprès des savants et il a pris directement des savants, hadini amatullah. Ça, c'est une grâce d'Allah. Mais beaucoup ont eu cette grâce-là, mais qui n'ont rien pris de ces savants. C'est compris? Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, avec les wasaïs qui sont là, celui qui va auprès d'un savant, avec celui qui reste à distance, en contact avec un savant, étudie avec ces savants-là, ils sont au même degré. La seule chose qui les sépare, c'est que lui, il ne s'est pas déplacé. Sinon, toi, tu es en contact avec le savant parce que tu étais là-bas. Lui aussi, il est en contact avec le savant. Inda al-Maudou. Taïeb. Voilà. Ça ne vient pas normalement de quelqu'un qui a compris la salafia. Les Hizbiyoun, ça c'est leur arme. Ça va? Remarquez. Il dit non, que parmi nous, on a des Dakatir. Des gens qui sont allés là-bas pour aller étudier. Et prennent cela comme un moyen pour détourner les gens des autres. Voilà. La seule chose qui va te discréditer, c'est ton manhaj et ce que tu dis. c'est la seule chose qui va te discréditer. Voilà pourquoi certains savants ont dit Arrajul yuzakihi mala ilmu. Sa science fait son éloge. Sa da'wa fait son éloge. Ce qu'il dit fait son éloge. Et bien, là dans l'assise, aujourd'hui, nous allons voir même une question de Cheikh Rabi qui va même dans ce sens-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu na'am. Oui, on ne va pas repousser cette parole de manière totale. Celui qui va auprès d'un savant et qu'il est consciencieux, d'abord il apprend le comportement du cheikh bien avant même de profiter de sa science. Et lorsque ces deux-là maintenant se mettent ensemble, vraiment il peut devenir un étudiant complet. Tu comprends? Ça, on ne va pas le nier. Et beaucoup peuvent être auprès du savant et prendre son comportement. Mais ce n'est pas à la l'éclat. Parce que beaucoup d'entre ces certaines personnes qui sont allées étudier avec les savants, ils sont venus sans leur comportement. Ça va? D'autres même, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des mauvais comportements. Dans la manière même de traiter leurs frères, dans la manière même d'interagir, dans la manière même de répliquer leurs frères. Ils n'ont pas le adab. Voyez? Est-ce qu'on va dire que ce sont ces savants-là qui lui ont enseigné ça, qui les ont enseigné ça? Non, ce n'est pas les savants qui t'enseignent ça. Mais c'est toi-même qui as ton propre comportement. Tu comprends un peu? Maintenant, quelqu'un peut rester ici, ne pas se déplacer et avoir un comportement meilleur que cette personne qui est partie. Tu comprends un peu? Et cela dépend. La personne peut avoir un comportement à la base, un très bon comportement. Quand il commence à apprendre, il apprend avec ses ulamas, même dans la manière de parler du cheikh, yulahiz, et puis il prend la science avec le cheikh, même s'il est à distance, tu vois, il commence à changer de comportement parce que la science elle-même transforme la personne. C'est compris? Donc ça n'a rien à voir et je suis allé m'asseoir. C'est juste des ambiguïtés pour détourner les gens. C'est tout. C'est des ambiguïtés. Dans cette parole, fi haqqun lakin urida biha al-bati. Il y a la vérité, mais on veut par cela le faux, détourner les gens. Taïeb, et dire que c'est celui-là n'a pas étudié. Il n'est pas sorti. Ça va? Même cette masala des cursus qu'ils envoient. Non, on veut savoir comment tu as étudié. Les savants dans les époques passées, même les savants jusqu'aujourd'hui, ils enseignaient ça, c'était après leur mort que les élèves même faisaient leur biographie. Est-ce que c'était obligatoire d'écrire une biographie ou d'écrire un cursus avant que les gens viennent prendre avec lui? C'est pas obligatoire. Ça va? Il étudiait qui? Elle étudiait qui? Non. Tu lui demandes quel est sa aqida et son manhaj. Intah al-moudou. Sa aqida et son manhaj. Walaw ta'allama ma Cheikh Rabi. S'il n'a pas une bonne aqida, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il peut venir avec ses vats et dire j'ai étudié avec Cheikh Rabi, j'ai étudié avec Cheikh Abdul Mohsin, j'ai étudié avec tel. Il y a des gens ici qui sont dans les Jamia de Hizbiya, ils ont étudié avec les savants comme Cheikh Rabi, Cheikh Mohamed bin Hadi, d'autres, beaucoup de savants. Puis Saoudia, dans la classe, ils ont étudié avec eux. Mais ils sont revenus dans la Hizbiya. Donc ce n'est pas une preuve. Soyez, ne vous laissez pas voir passer par ce genre de choses-là. Soyez, parce que quand la personne, il cherche vraiment à battre une personne, il veut le descendre. Coûte que goutte. Hein? Ça fait rire quoi. Il veut le descendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non. Tu vois le frère là, est-ce qu'il a étudié ou même? Allez, va demander à vous Fatima où il a étudié. On dit non, mais attends, est-ce que le frère là, il est sorti? Non, il n'est pas sorti. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre la science avec lui. Mais pourquoi c'est lorsque un événement est venu que vous êtes sorti avec ça? Ça, c'est dernièrement, ces gens de paroles ont commencé à tourner ici. Pendant ce temps, ces personnes-là qui disent ça, ils venaient prendre la science avec ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas étudié. Fa'alam anna wara azalika. Mada. Derrière ces paroles-là, il y a quoi? Il y a la hawa. C'est compris? Qu'Allah nous préserve. Wa sallallahu. Non. Il a étudié avec un savant s'il s'est assis avec lui ou bien s'il a étudié avec lui à distance. Ok? Le chef Ali Rambi, dans les durous qu'on faisait avec lui, il nous disait ça. Il disait que toute personne qui a pris cette science avec lui ici présent est considérée comme son élève. Même s'il ne s'est pas déplacé. Parce que tu as pris avec lui. Je ne sais pas si tu te rappelles de la parole du Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Lorsqu'il avait dit à Cheikh Ouzaymine, il dit à Cheikh Ouzaymine, tu as des élèves qui sont dans tel endroit. Ils ne t'ont jamais vu, mais ils mettent des audios pour écouter. Et ils ont fini même ton explication de Riyad Salim, je pense. Dans cette manière de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui est en contact même avec ses savants? Il prend la science avec lui. Quand il est Ishkal, il envoie des Ishkal, il envoie des questions. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne? Non, il n'a pas étudié avec les savants. Quelle est votre définition de il a étudié avec un savant, il n'a pas étudié avec un savant? Quelle est votre définition? Hein? Quelle est la définition de ça? Ou bien forcément, il faut qu'il aille s'asseoir devant lui pour dire qu'il a étudié avec les savants. Hein? D'autres même, je vais aller même plus loin. Ça va? Je vais aller plus loin. On va terminer avec ça. Quand ils vont à Médine, dans les cursus, ils disent, j'ai étudié avec Cheikh Abdul Mohsin Al-Badr. J'ai étudié avec Cheikh Abdurrahman Al-Badr. Vous savez ce qu'il veut dire derrière cela? Quand il y a les assises du Cheikh, il vient s'asseoir. Quand l'assise finit là, il se lève, il s'en va. Il n'a même pas de contact avec le Cheikh. Mais si tu dis que tu as étudié avec lui, est-ce qu'on va dire que c'est faux? Non, on ne va pas dire que c'est faux. Parce que tu t'es assis dans son dars. La même manière aussi, si moi je l'écoute aussi, ça veut dire que j'ai étudié avec lui. Ou bien, maintenant après tu fais croire aux gens, tu fais croire aux gens que tu étais en contact avec le Cheikh. Non, tu as étudié dans ses majlis. Non, ceux qui ont étudié dans le majlis du Cheikh et qui ont pris des livres, qui ont fait qira'at à la Cheikh, ils sont connus. Souvent même le Cheikh ne le connaît même pas. Le chef ne sait même pas qui s'appelle tel. Mais il te dit dans son cursus qu'il a étudié avec le chef. Donc toi, si on veut mettre tout ça dans notre cursus là, ça veut dire que tout ce qu'on a écouté là, on va les mettre parmi ceux qu'on a étudié avec eux. Ou bien, qu'Allah nous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.